C'est ça, tu peux pas avoir 21 prix Nobel au conseil. Non. Tu vas passer le temps à mesurer les idées et t'avanceras jamais. Fortune de Paul Desmarais, ni son prestige, ni son influence, mais c'est quand même lui aussi un homme en or. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Ok, c'est bon. Hey, bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre. Ben, de nous remettre du décès de M. Paul Desmarais. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir! Ben, vous êtes remis, vous, hein? Ah, moi, j'ai... Ouais, ça pas... Moi, j'ai le deuil court. Ben ouais, c'est ça. Non, mais quand même, il est parti vite, hein? Ben là, quand même, il avait 86 ans, là, je veux dire. Ouais, mais ça paraît que vous n'étiez pas abonné à la presse, vous, hein? Parce non. que c'était quelque chose, jeudi. Ah ouais? Ah non, même le mot mystère portait sur Paul Desmarais. Ah ouais? Non, vraiment, c'était... Fallait chercher, tu sais. Même les petites annonces? Ben oui. Ben en fait, je pense que la presse, c'était une grosse petite annonce pour ouais. Paul Desmarais. Fait que, c'est pas, sinon, grosse semaine à la commission Charbonneau. Non. C'était ironique, Fred. Ah! Non, c'est... non, mais c'est bizarre, hein. On a vu Ken Pereira, ouais. qui a fait un gros témoignage qui tâche la semaine passée. Ouais. Cette semaine, whoop, glisse ben dans ouais. les escaliers. C'était la barouette. Hey, s'il trouve que c'est glissant en octobre, imagine en février. Eh boy, hein? Pourtant, un gars de la FTQ Construction, ça porte toujours un casque, mais ça, je comprends pas. Ouais, mais si un autre gars de la FTQ Construction est fâché, par ouais. exemple, le casque, ça sert pas. C'est pas ben utile. Ben, en même temps, on n'a pas de preuve que c'est ça, là. C'est pas, non, mais à mon avis, on va en avoir bientôt, hein, parce que la Cour supérieure va permettre à la commission d'entendre les écoutes électroniques de nos amis de la FTQ. Eh bon, ça, ça doit sacrer au siège social. Oui, ça. Ça doit paniquer. Hein. D'ailleurs, on les entend d'ici. Je sais pas si juste on, personne parle, on peut, d'après moi. Stylus! Ah ouais, on entend un gars à clous, hein? Il est loin, c'est social. Ah ouais, il est pas à côté. Pour moi, là, c'est ça. Moi, il y a des cercueils qui sont en train de se construire. T'as la barouette. Après, il y a des palettes de sacs à couchage qui vont sortir de chez Costco en ouais. fin de semaine. Pas les sacs de couchage qui flottent. Non, hein? Non, c'est là qui, ouais. Hey, parlant de structure qui s'écroule, l'équipe de Marcel Côté ne gagnera ouais. pas de prix Nobel avec son histoire de avec son histoire de robocall. Hein. Moi, je me demande juste qui faisait la voix du robot. Là. C'est-tu Louis Arel? Non, parce qu'on entendait clairement Montréal. Ah, OK. Fait que, ça aurait été Montréal peut-être, mais là, c'est pas... En tout cas, une chose est certaine, ça sent la fin pour Marcel Côté. Ça, c'est... Triste fin de carrière, quand même. Ben, je sais pas si tu peux appeler ça une carrière, 3 semaines de campagne. Ouais, mais ça... Sinon, il ouais. y a l'ex-maire Vaillancourt qui, lui, vraiment une triste fin de carrière. Ben, la fin, ça, de carrière, fin de carrière, oui et non. Là. Ouais, c'est vrai qu'il lâche pas le morceau. Hein. Non, même ouais. le morceau veut pas se, veut se lâcher. Ah oui, mais il c'est ça. Tient, ah ouais. C'est ça. Il dit lâche-moi, tabarouin. Ouais, ouais. Non, le morceau, hein. Une belle diction que vous avez, Fred. Non, mais en même temps, je dis, on rit, mais le gars, il est juste accusé de gangstérisme, ouais. quand même. Là. Il a tué personne. Ben là, parce qu'on sache. Ouais. Puis, je veux dire, bon, il se connaissait pas, ça fait pas mal. Ouais. Hein? Je veux dire, ben, tout le monde a le droit à une 39e chance. Ben, puis, je pense qu'on est. Je sais pas vous, mais moi, je pense qu'on est impitoyable avec nos politiciens. C'est vrai. On moi, est ça chien. M'enlève le goût de faire la politique. Ben, regarde, je savais, vous étiez sur le bord. Ah, là. Excuse-moi. Un pas. Moi, le concitoyen, là, c'est ben, super non, je important. Sais. Ce qu'on a fait à Gilles, c'était cœur. Quoi d'autre cette semaine? Ah, ben il y a American Apparel, je sais pas si vous avez vu une grosse histoire. Il a fait parler de lui avec un nouveau t-shirt. Avez-vous vu ça? Hein? C'est un t-shirt avec sur l'imprimé, là, c'est un dessin de l'appareil féminin. Je sais pas si... L'appareil féminin, quoi, une machine à coudre? Ouais. Mais non, Fred, c'est pas ça. Franchement. L'appareil féminin. C'est pas le problème, là. C'est quoi qui est. L'appareil reproductif féminin en période. En période électorale? Alors, en période, là, t'sais, les couleurs d'automne. Là, les règles! Ben oui, c'est là, ça. Franchement, pourquoi qu'on parle de ça? Un t-shirt qu'on va porter 4 jours par mois, franchement. Ben, vous savez très bien que ça marche pas de même, Fred. Hein? Parce qu'une semaine avant, là, elle va le repasser, elle va le sécher. Elle sait plus si elle veut le mettre, elle va pleurer, elle va appeler sa mère, elle a mal au ventre, son chum est fin, mais quand même, il l'énerve. Non, voyons donc. Hey! Tant long, cette affaire-là. Je suis bien célibataire en bédaine, moi, hein? Oui, oui. Fin de semaine chez Roger. Toute la fin de semaine, ouais. Toute la fin de semaine chez Roger. Fred Savard, c'est un grand, blond. Quoi d'autre? Sinon, il y a le Koweït. Il y a le Koweït qui a annoncé qu'il avait développé un détecteur de gay. Afin de... Oui, un détecteur... Non, c'est pas une blague. C'est une vraie annonce, le détecteur de gay. Des gens rient, mais c'est vrai. C'est drôle. Ouais. Pourtant, c'est une vraie nouvelle. Ouais. Pas été facile à trouver en plus. Non, un détecteur de gays pour protéger le pays contre une invasion. Mais là, franchement, une invasion de gays, ouais. C'est pas comme si ce monde-là se reproduisait. À un moment donné, on n'est jamais trop prudent, Fred. Non, j'avoue. Ils vont le trouver, le vaccin. Non, ils cherchent. Ils vont le trouver. Mais ça... mais sans blague, là. Ouais. Sans blague, comment ça fonctionne? Ben, c'est... Non, ça fonctionne. Écoutez, c'est un peu comme le détecteur de métal dans les aéroports. Ouais. Hein? Sauf qu'au lieu du rayon X, en fait, ils te mettent une toune de Madonna. Si tu danses, tu passes pas. OK. C'est niaiseux, hein? Non, mais on avait plusieurs des blagues là-dessus. Ouais. Qu'on n'a pas faites. On est resté très... Il y a plusieurs qui n'ont pas passé. Non, ouais. Donc, on n'ira pas plus loin. Sinon, quoi d'autre? Je sais pas si vous avez vu ça, c'était dans la presse. On a appris que le PQ aurait bloqué une initiative pour qu'on ait un portrait plus juste des finances publiques. Il y avait des articles sur autre chose que Paul Desmarais dans la presse cette semaine? Fallait fouiller, ouais. Mais j'ai réussi à trouver. Ah. C'est un encart. Ouais. Ouais. Mais, non, mais c'est fou. Puis j'ai aussi trouvé le plan économique du PQ. Oui, il paraît que c'est pas pire. 2 milliards d'investissements, 10 mesures, dont la plus importante, qui est passée sous silence, à mon avis, la mise à niveau de 1000 terrains de camping. Ah! C'est pas une blague. Enfin, Sainte-Madeleine peut respirer. Ouais. J'entends le grand ouf. D'ailleurs, si on peut entendre le... Scolisse. Ah, la FTQ encore. Ils sont pas déchoqués. Non, ils sont fâchés. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, quoi d'autre? Le camping, bon, il y a ça. Non, mais le camping, quand tu y penses, là... Hein, non, mais c'est pas fou! Non, mais... Ça te relance une économie de camping. C'est... Surtout entre octobre et avril, là, ah ouais. c'est le gros boom. Hein, ah le monde c'est camping, là que les gens se demandent, mais là, qu'est-ce qu'on fait les prochaines? Tente roulotte, Winnebago, camping sauvage. Pis... Non, mais camping sauvage, personne ne veut ça. Non. Hein? Là, pas non plus, d'ailleurs. Non. C'est toutes des affaires qui nous... Ça me fait tout le temps penser à ça. Hein. C'est pas... Salut, Guillaume, d'ailleurs. Oui. Il veut pas venir. Non. Heureusement, nos invités de ce soir ne font pas de camping, je le souhaite. On l'espère. Hein? Pas en hiver, en tout cas. On reçoit d'abord le ministre de l'Éducation supérieure, Pierre Duchesne, oui. Hein, franchement. C'est la deuxième fois qu'on le reçoit. C'est qui donc la ministre de l'Éducation inférieure? Inférieure, oui. C'est Marie Malavoie. Ah, OK, c'est ouais, mais elle n'est pas, okay. Elle n'est pas ici c'est ce bon. Soir. Okay. Sinon, on reçoit également le chef d'Annie Saint-Pierre. Oui! Bon, on est content. On a travaillé fort. Non, mais il me semble qu'on en a des bons, des chefs à Montréal. Pourquoi on en prend un de Sherbrooke? Moi, je trouve que ça fait petit un peu. Oui, ben, on est une émission pan-canadienne. Ah. Hein, faut plaire à tout le monde. Il y a des gens qui nous écoutent à Sherbrooke aussi. Mais de toute façon, on a le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune. Oh oui. On me note que c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Donc, c'est ministre de l'enseignement inférieur, Marie-Malavoie. Ah, c'est bon. Juste pour être certain. Olivier, les internets. Oui, bien, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, mm-hmm. où ils pourront suivre un lien vers le site web d'un nouvel organisateur de campagne du PLQ dont le slogan est « La question n'est pas de savoir si la crise vous frappera, mais quand, avec la toune de Eye of the Tiger en trame de fond, là, je pense que c'est un excellent fit pour le Parti libéral. Merci. OK, courrier des auditeurs. Je m'habitue pas. Mais d'abord, un Pépita qui veut savoir qu'allez-vous faire avec votre débat des exclus le 18 octobre prochain, maintenant qu'Iroi Léger ne se présente plus à la mairie. Ben oui. Ben, c'est facile, Pépita, on va piger dans le tas d'exclus pour trouver celui qui a le plus d'envergure. Et la semaine prochaine, il pourra débattre avec Michel Brûlé et Patricia Tulane. Ça va être vraiment enrichissant. Oui. Enfin, bon. On a Vincent Dubuc. Les gens n'ont pas l'air de trouver que ça va être enrichissant. Ça va être bon. Okay. On a Vincent Dubuc qui nous dit « Je ne retrouve plus mon prépuce. Qu'est-ce que Fred Savard me conseille de faire? » Alors, Fred? Ben là, pour les gens à la maison, ça, il fait référence à une chronique de début de saison, mais justement, ça tombe bien. Je peaufine une nouvelle série d'ateliers sur le sujet. C'est vrai? Oui. Ça sera chez Roger également tout le week-end. Ah ouais, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde? Oui. Et est-ce que c'est le genre d'atelier qui va plaire à du 7 à 77? Ah oui, c'est très inclusif. C'est un peu comme Tintin. C'est très inclusif. Ouais. Il n'y a rien, c'est mieux. D'accord, c'est intéressant. Bon, on va les trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. On a tous droit à un prépuce. Ouais. Je sais. Oui, Jean-Sébastien. Oui, bonjour Jean-Philippe. Oui. Si je peux me permettre, moi j'ai déjà assisté à ces ateliers-là. Puis franchement, j'ai beaucoup aimé ça maintenant. Ah oui? Oui. Sur le prépuce. Oui, bon, c'était très long. Ah, là, ben mais, merci. Mais qu'est-ce qui était long? Ben, 3h30, je trouve, pour un atelier. Là, dans les vies qu'on mène, je trouve ça. Ah, mon Dieu. Ouais. Mon Dieu. Pourtant, il y a tant à dire. Ah, ben vous êtes fin quand même. Non, mais merci Jean-Sébastien. Si jamais vous déménagez un jour, vous m'appelez, je vais être là. Ben oui, mais franchement, honnêtement, si on ne peut pas céder entre amis, Frédéric, ça me fait vraiment plaisir. Depuis qu'on est rendu gentil. Jean-Sébastien, vous parlez de quoi cette semaine? Ah, mais bon, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça fait deux minutes qu'on se parle, ça va bien. Ah, bon, ben, c'est ça, vous le savez, hein, je suis fébrile. Je suis très, très fébrile aujourd'hui parce que déjà, c'est l'avant-dernière édition de mes grands entretiens. Viens voir les politiciens municipaux. Et cette semaine, Jean-Philippe, j'ai pensé faire différent et vous offrir une sorte de « Que sont-ils devenus? » Vous savez, c'est toujours très populaire, ça. Alors, j'ai décidé aujourd'hui d'aller rencontrer une ancienne politicienne, un ancien politicien qui a déjà quitté le milieu et qui, de l'extérieur, va commenter un peu la campagne municipale actuelle. Et devinez, c'est qui, Jean-Philippe? Mon Dieu... Un ancien politicien... Gilles Vaillancourt? Non, non, c'est une femme, Jean-Philippe. Alexandre Duplessis. Non, non, mais vous brûlez honnêtement. André Boisclair, je me lance. Non, absolument pas. C'est Louise Arel, mon bon Jean-Philippe. Ah mon Dieu, mais elle est pas morte, ma belle Madame Arel. Ben non, elle existe toujours. Je vais l'ai rencontrée. Je vais donner rendez-vous devant l'hôtel de ville pour avec elle évoquer la belle époque de sa carrière politique municipale. Ah oui. On se retrouve donc dans quelques minutes à aller voir les politiciens municipaux. Ben je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. On se reparle plus tard. Notre premier invité, Fred. Ancien journaliste devenu ministre, la prochaine campagne électorale pourrait le forcer à faire le chemin inverse. Voici le député de Bordeaux, Monsieur Pierre Duchesne! Ah, Monsieur Duchesne! Oui. Ah ben, on s'était vu, vous étiez même pas encore député, encore moins ministre. Et vous veniez de remettre votre carte d'accès à Radio-Canada, là. Ça faisait pas longtemps. Mais merci beaucoup d'être avec nous. Oui. C'est officiellement le premier ministre, ben comme ministre, non pas premier ministre, on s'entend. Oui. Faisons la distinction. Vous êtes le premier ministre. Non, parce que c'est une première. Hein? Ah oui, ben c'est une première. C'est ça, c'est la première fois qu'un ministre vient en pleine campagne électorale qui a été déclenchée par le PQ récemment. Et donc, on n'est pas encore en campagne électorale, mais ça s'en vient. Ça, il n'y a pas de doute là. Oui, je pense que c'est début novembre, hein, c'est les élections municipales. Alors, on est là-dedans. Je pensais avoir un scoop. Là, la campagne est commencée. Hein, non, ça c'est clair, mais on va parler pour vrai de la campagne provinciale, parce qu'on le sait, il y a des grosses rumeurs. Ben, dans mon comté, j'ai des villes urbaines et j'ai des villages en campagne. Alors, je vais en campagne à chaque fois que je vais dans mon comté à Bordua. Ah, parce que là, il y a des... Parce que... Hey, mais vous savez, Saint-Germain, c'est incroyable, j'étais au Salon Bleu, et puis alors qu'on parle de la charte puis de voile, on a eu droit à des femmes qui se sont dénudées. Ben oui, il y a fait, le voile, mais on se dénude. C'est fou de même. On a lu une Les agents de sécurité ne savaient pas comment sortir les femelles. Ben, c'est drôle, je trouvais qu'ils savaient quand même. Il y en avait un qui avait de l'air à savoir plus que nous. Oui, oui. non, mais revenons sur l'idée de charte, parce que si Bernard Drainville, là, qui est en train de lire tous les emails qu'il a reçus de la population, il va proposer sa vraie... Il lit tout, c'est vrai. Quand moi, j'ai connu à Radio-Canada, puis même pendant une émission... les gens? On avait oui, pendant une émission, non seulement il lisait, mais il écrivait tellement fort que ça faisait bouger la table. Ah oui, c'est un comme ça, hein, Bernard? Oui, oui, il fait bouger les choses. C'est un comme ça, il dérange. Oui. Alors, est-ce qu'il écrit assez... parce que sa charte qu'il a proposée, en fait, la proposition, là, qui, avouons-le, a mis un peu... Les oppositions dans une situation délicate. Non, mais c'est pas qui dit on est pour ça. C'est pas seulement ça, monsieur. La CAQ, oui, un petit peu les juges, pas vous les juges. Vous le savez très bien. C'est vrai, ça les a mis dans toute une position. Si vous me révélez là, que Bernard va sortir sa vraie proposition très bientôt, c'est parce que celle qu'il a proposée avec vos petits dessins, c'était très bien fait d'ailleurs. C'était pas mal, hein? Oui, franchement, c'est une bonne idée. Non, on le sait pas, mais en tout cas, on en a ri en masse. Si justement, c'était pas la vraie proposition, ça veut dire que vous avez mis un pavé dans la mare pour le fun de mettre un pavé dans la mare. Avouez que c'est ça. C'était pour sonder l'électorat. C'est vrai que dans les 9 dernières années, on ne faisait pas beaucoup de propositions. On décrétait. Alors là, il faut s'habituer. Ça fonctionnait très bien. Oui, ça faisait sortir pas mal le monde dans les rues, voyez-vous. Mais quand on fait des propositions... Avez-vous vu du monde sortir dans les rues pour la charte avant que la charte soit proposée? Je parle du vieux régime. Vous savez, vous vous souvenez, les manifs? Ça fait même pas un an. À peine un an. C'était le bon temps. Personne reculait, on allait de l'avant. Non? Alors, fun. Oui, alors on recule ou on écoute? Oui, non, mais c'est ça. Alors, faut savoir, est-ce que Bernard Drainville va reculer avec une nouvelle charte? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de faire? Il écoute, puis il va tenir compte des commentaires. Et tenir compte des commentaires, est-ce que ça veut dire faire sauter le crucifix? Ben moi, vous savez, on a pensé mettre votre opinion, un... vous, là. Ben on a pensé mettre un voile dessus, mais ce serait pas de bon goût. On va enlever le voile. Ben alors, non, on mettra ça, pas ça le voile sur le crucifix. Mais remplacer ça par, par ailleurs, des fois, souvent, à la période des questions, on a le goût de prononcer des mots d'église. Alors, on se regarde. Moi, je fixe le crucifix, ça me sert. Non, je sais pas ce qu'on va faire avec ça, parce que vous imaginez, si on le déplace, c'est comme un tapis bleu. Hein. Il va avoir la croix encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut remettre un autre tapis par-dessus. Écrivez un mot qui a un T dedans. Ouais, c'est vrai. Ben oui. Il faudrait trouver un mot. Ou continuer un dessin, je sais pas, faire une maison. Non, non, mais regarde, il y a plein d'affaires à faire avec ça. Si ça avait été un P, on aurait pu mettre première, comme on dit. Ou Pierre-Carles. Oui, même trois lettres. Pierre-Carles. Il n'y a pas de T. C'est plate, ça s'appelle pas Télado, ça. À mon avis, tout s'arrange. Tout s'arrange. Mais parlons-en de votre nouvel ami Pierre-Carles. On a appris cette semaine qu'il venait faire ses tours à des conseils de ministres. Oui, il est électrifiant. Oui. Il est président du conseil d'administration du Hydro-Québec. On va, c'est ben non, je le sais. D'électrification. Puis ça arrivait tout le temps que l'ancien président du conseil venait faire ses tours. Non. Mais ben, bon. J'étais pas au pouvoir. Ben, je le sais. J'étais un journaliste qui cherchait à savoir cependant qui était là. Mm-hmm. Puis. Ben, c'est un drôle de feeling quand vous avez l'information avant les collègues journalistes, quand à l'époque vous étiez journaliste. Mm-hmm. Alors. T'as tout aussi un drôle de feeling d'avoir Pierre-Carles Péladeau quand on est ancien journaliste de Radio-Canada aussi. Hein? Il faut être capable de voir comment on peut discuter. Pierre-Carles Péladeau est un homme d'affaires qui fait sa marque. Hey. Et puis, on nous dit que, vous savez, le gouvernement du Parti québécois n'est pas capable d'avoir des relations, des rapports avec des hommes ou des femmes d'affaires. Ben, regardez, c'est pas vrai. Bon Dieu, vous savez bien patiner, vous. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont roulé depuis le début de la semaine sur la venue de Pierre-Carles en politique. Bon, il a nié. Il ferait une belle face sur une pancarte, Pierre-Carles. Ah, il y a un visage intéressant. Si c'est seulement le critère, mais il faut autre chose. Oui, oui, mais il y a autre chose aussi. Ouais. Il y a l'argent pour les payer, ces pancartes-là. Oui, mais aujourd'hui, question d'argent pour payer les pancartes, c'est bien délicat. Ça a pas de l'air facile, mieux de laisser ça au parti. On est mieux. D'ailleurs, c'est cher bien compliqué. Dire, c'est un peu chiant, hein, parce que moi, j'ai reçu beaucoup de policiers municipaux là, qui font campagne à la mairie, puis ils n'ont plus une scène pour imprimer des pancartes à cause de vous. Ah oui? Ah oui? Puis ça, c'est pas bien fin. Qui ne veut pas voir Denis Coderre sur René Lévesque? Qui? OK, baissez la main, tout le monde. Enfin, parlons d'un autre sujet franchement intéressant. Mais on a-tu fait un tour sur Pierre-Carles, Fred? Je pense que oui. Oui, OK. On n'aura pas d'autre chose, je pense. Hein? Non. Non, c'est ça. OK, alors parlons des belles-mères, parce que ça, c'est le fun. Oui. La semaine dernière, il y a Lucien Bouchard, ancien premier ministre. Il y a Jacques Parizeau, ancien premier ministre. Il y a aussi Bernard Landry, qu'on veut qu'on se rappelle qui était premier ministre, qui se sont prononcés sur la charte. Et à quelque part, on a eu l'impression que ça a fait bouger les choses. Pour vrai, là, à une belle-mère du PQ, là, parce qu'on n'a pas entendu Jean Charest parler de ça, hein? On n'a pas non plus entendu Robert Bourassa sur la charte. Ils posent même pas. Non, mais ils sont tellement mal à l'aise avec ça qu'on n'a eu aucune question à l'Assemblée nationale posée par les libéraux sur la charte. Il y a eu le sommet sur l'enseignement supérieur. Oui. Et on en a parlé, ça a été un franc sommet. C'est un franc succès. Oui, bon, ça dépend. Ben oui. Ça dépend qui on lit. Qu'est-ce qui se passe au campus maintenant? C'est le ça dépend qui grand vous lisez, party, effectivement. Hein, ça dépend qui vous lisez. Vous regarderez sur Twitter. Moi, je lis la presse. Et ce que je sais, c'est que Paul Desmarais est décédé récemment. Mais la vraie question qu'on a posée, c'est qu'on on attendait un rapport en décembre qui a été repoussé en avril. Ou enfin, on n'est plus trop sûr des dates. Est-ce que vous faites un vrai suivi sur ce qui se passe avec ce sommet-là? Ou vous êtes un peu lavé les mains? En fait, pas lavé les mains, mais vous étiez satisfait. Une petite poignée de main. Il paraît que lassé est d'ailleurs exclu de vos affaires. Là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben oui, lassé, mais lassé, je ne comprends pas. Je veux dire, ils veulent venir, on les invite, ils ne viennent pas. On fait un autre événement, ils ne sont pas là, ils veulent être invités. C'est des adolescents. Peut-être qu'on aurait dû vous inviter, mais il faut en parler avant à notre caucus. C'est des ados. Quand on les invite, ils boycottent, puis quand on ne les invite pas, ils vont boycotter. Alors, je ne sais plus. Il y a le nouveau jeu qui est sorti sur PlayStation, à mon avis, ils sont là. Mais les rapports, c'est pas compliqué. Il y a eu un sommet, on a réglé le problème, il y a eu 5 chantiers, puis il y a déjà 3 chantiers qui sont terminés, 3 rapports, il en reste 2. Et le rapport qui devait être déposé en décembre. C'est un mi-rapport, il va être déposé. Il va être déposé. Référence à un article de Gilbert Lavoie. Il faut que j'y parle d'ailleurs parce qu'il a juste interprété les choses, mais le rapport d'étape. Il est intéressant, Gilbert, quand même. Oui, oui, il faut juste préciser les choses. Ben oui, tout à fait. Dernière question. Parlons un peu de votre amie Christine Saint-Pierre. Vous étiez avec Christine la dernière fois que vous êtes venue nous voir. Et j'étais devant elle hier. Ah oui, en commission parlementaire. C'est justement. Pouvez-vous croire que je suis ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, Sciences et Technologies, puis le ministère officiellement n'existe pas encore? Arrêtez donc, c'est de la faute de qui, ça? Ça fait 28 heures en commission parlementaire, les oppositions bloquent l'adoption de la loi qui va créer le ministère. Vous n'avez pas de vrai job. Je suis ministre, j'ai des gens sous moi, il y a un décret de la première ministre, mais officiellement, le ministère n'existe pas. Après ça, les gens vont dire... Mais en même temps, attendez un peu, là. Je veux dire, c'est pas rare que les choses traînent. Comme par exemple, parlons de la permanence d'André Boisclair. Là. Hein? Oui. Ça a traîné longtemps, ça. Hein? Oui. Puis je pense pas que ça soit à faute des libéraux. Moi, je trouve que ça, hein? On devrait le laisser un petit peu tranquille. Je trouve qu'il y a un petit peu de... C'est vrai? Je trouve pas, moi. Il y a un terme au niveau médical qu'on essaie de trop... Ben, enfin. Mais comment ça fait que ça a pris du temps de même à y enlever sa permanence alors que vous aviez dit que vous alliez l'enlever? Qu'est-ce qui était si long? Ben écoutez, ça, faut trouver demander. Le papier sur le bureau de Jean-François. Là, je vais laisser mon ami Jean-François, qui est très, très bon et qui est capable de répondre à toutes les questions. Ben, vous le saluez pour nous, OK? C'est mon voisin au Conseil des ministres. Non, je parlais d'André. Vous restez avec nous, hein? Ben oui. OK, génial, parce qu'on va parler cuisine dans quelques minutes. Ouais. Mais en attendant, vous savez, on reçoit beaucoup, beaucoup de courriels à la soirée. Mais cette semaine, on a même reçu un drôle de message sur notre boîte vocale et on a décidé de vous le faire écouter. Salut Vautier, c'est Ken Pereira à Commission Charbonneau. Premièrement, on va mettre ça au clair. C'est le fun, ton show. Je vais être bien honnête avec toi. On trouve tes chums bien ordinaires. Il n'y en a pas gros local 237 qui risent en écoutant ta soirée, puis je trouve ça bien dommage. Fait que même si j'ai mal à la tête, je partage avec toi une idée que je viens d'avoir eue. Mike Laverdière, un de nos meilleurs comiques à FTQ Construction. Quand tu vas d'entendre son numéro, sa pépine, tu vas rire du seul comme ceux que je regarde dans les yeux quand Mike raconte ses jokes. Tu sais comment que je suis? J'ai jamais forcé personne à cramper de la bouche. Le monde, ils rient quand ils veulent avec moi. Je suis pas le genre à faire du bardassage. Fait que j'y ai donné ton numéro de téléphone pis ton adresse. Il va passer te voir à la minuit à soir pour finir de te convaincre. Hey, j'ai déjà des crampes d'abdominaux rien qu'à l'idée de l'entendre la semaine prochaine dans ton La Soirée. Merci, mon chum. C'est bon. Ben Fred, c'était votre dernière semaine à l'émission, je suis désolé. Faut faire des choix. Hein. Non, je sais bien. Maintenant, c'est un instinct de survie. Ben ouais, c'est tout. Alors, on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Mais bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va pas pire. Oui, ben toujours de retour à Viens voir les politiciens municipaux. Et comme vous le savez, cette semaine, j'ai retrouvé pour vous l'ex-politicienne Louise Arel, qu'on n'a pas vue depuis un bon bout de temps. Madame Arel, merci beaucoup d'être là. Dites-moi, est-ce que la politique vous manque bien gros? Jean-Sébastien, follow me, il y aurait du Pierre Trudeau, là, puis vous allez voir à quel point vous allez avoir de la misère à me suivre. Donc, je vois qu'il y a des pancartes ici, effectivement, probablement que vous êtes dans cette fameuse coalition avec Marcel Côté. Marcel Côté, ça, c'est le monsieur qui parlait fort au débat, c'est ça? En tout cas, il parlait pas fort, il parlait juste. Mais là, dites-moi, Madame Arel, quel est votre rôle précisément au sein de la coalition? Vous devez être quand même plus qu'une simple candidate. Je veux dire, Marcel Côté semble tellement manifester de respect à votre égard. Je veux dire, est-ce qu'il vous a donné un rôle de conseillère auprès de lui? Par exemple, ce serait pas vous, par hasard, qui aurait eu l'idée coquine de faire des appels négatifs à l'endroit des champs aux électeurs? Oh, ça ne serait même pas venu à l'idée. Je vous dis honnêtement, peut-être la nuit, évidemment, là, quand je me plais à le détester, mais ça c'est autre chose. Oh mon Dieu! Et Fred Savard me demandait au début de l'émission si la voix qu'on entendait c'était la vôtre. C'est un robot, Jean-Sébastien. Est-ce que c'est un robot connu? Écoute, Je n'ai pas entendu. Alors, en même temps, Mme Arel, je pense que vous avez un petit peu raison et Marcel Côté a raison d'en vouloir à Projet Montréal parce que franchement, ce qui s'est passé, c'est vraiment scandaleux. Honnêtement, personnellement, je suis désolé, mais des bénévoles qui donnent temps et énergie pour que des plus démunis aient accès à des fruits et des légumes frais, moi, ça m'écarte. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Je ne sais pas pour vous, là. Mais je voudrais vous convaincre du contraire, Jean-Sébastien. Mais là, pour tout de suite, c'est les thèmes qui vont en décider. Ah, alors, je vais décompresser un peu, mon bon Jean-Philippe, et je vous reviens dans quelques minutes oui. avec la suite de venir voir les politiciens municipaux avec Mme Arel, qui visiblement est encore en politique active. Dites-lui qu'on l'aime vraiment. On lui dit tout de suite. OK, parfait. Merci, au revoir. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui se demande qui dictera le texte d'André Presse à la Pratte. Hey, c'était drôle, ça. Oui! OK, maintenant, continuez avec du drôle dans votre excellente chronique, Fred. Oui, oui, bien justement, permettez-moi de délaisser l'actualité cette semaine dans mon excellente chronique, comme vous le dites, et des millions me le disent à chaque semaine, afin de vous entretenir d'un sujet qui me préoccupe de plus en plus et qui me fait dire que nous vivons une époque bien triste. En fait, je veux parler d'une nouvelle forme de pornographie qui reçoit l'assentiment de la plèbe ignorante et qui, pourtant, est beaucoup plus insidieuse que la pornographie dite classique, c'est-à-dire celle qui implique de mettre un pipi dans un autre pipi. Oui! Celle-là est encore partout sur nos écrans, mais elle est tellement rendue banale qu'elle en est devenue inoffensive. À ouais. part pour quelques journalistes et chroniqueuses qui aiment bien les jours creux nous ramener un sempiternel article sur l'hypersexualisation des jeunes, alors que souvent ce sont ces mêmes chroniqueuses qui sont plutôt hyposexualisées. Non, cette nouvelle pornographie est beaucoup plus insidieuse parce qu'encore plus omniprésente, même si on ne voit pas de foufoune. Et ce n'est pas un hasard si j'ai attendu cette semaine pour vous en parler, puisque nous avons un pornographe parmi nous, mes chers amis, et je parle ici de Danny Saint-Pierre. Oui, lui et sa cohorte de cuisiniers, chefs, cuistots et autres gustatifs monopolisent maintenant nos ondes télé et radio dans un déluge de nourriture qui menace notre charge pondérale et le bien-être public. Évidemment, j'entends déjà des gens à la maison dire que non, non, non, non, ce n'est pas dangereux. Cette semaine à l'émission C'est pas trop tôt, une émission que je n'écoute que le vendredi matin de 8h20 à 8h30, Danny nous parlait de la cuisson de nos jambons d'antan et de soupe aux choux. Grand bien vous fasse, bande de libidineux de la panse, si vous pensez que tout ça est anodin, mais ça n'allait pas pantoute. Quand vous pensez ainsi, vous êtes les idiots utiles d'une industrie florissante qui ne vise qu'à vous rendre dépendant du petit écran pendant que dans votre dos, les puissants manigances pour subtiliser votre bien pendant que vous engraissez avec la complicité de Danny Saint-Pierre. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué le nombre de personnes souffrant d'obésité depuis 30 ans? Ouais. C'est drôle, ça coïncide exactement avec l'arrivée de Paul Martin et ses chroniques à TVA à la fin des années 70. Je parle ici de Paul Martin, le cuisinier P.O.L. et non pas l'autre Paul Martin, ancien sous-fifre de feu Paul Desmarais et qu'on a eu comme premier ministre. Évidemment! Il y a des fois, je dis des phrases vite. Hein. Évidemment, ça ne vous dit rien, vous les Grecs, qui n'avez que votre nombril comme perspective. C'est donc lui, Paul Martin, le pionnier des vedettes culinaires, qui maintenant défile aujourd'hui à toute heure du jour et sur tous les réseaux. Paul Martin est un peu le Linda Lovelace de la popote, sauf que la gorge profonde, c'est le téléspectateur qui l'a, et goulûment, il avale et engraisse. Et si au moins on s'est arrêté là, mais non, ensuite, il y a eu Daniel Pinard, qui ouvrit les écluses de la cuisine à la télé, et s'ensuivit l'orgie d'émissions que l'on connaît aujourd'hui avec le gars du pied de cochon, le chum de Patricia Paquin, le gars qui a le même nom que le chanteur Yann Perrault, Ricardo, José Distasio, le gars qui a des tatous et pas de cheveux, mais surtout Danny Saint-Pierre. C'est-à-dire une chier de chef qui ont tous leur émission, leur livre, des cossins à nous vendre, mais surtout qui ont à peu près tous leur restaurant et dont la seule finalité n'est pas que nous cuisinions mieux, mais que nous allions à leur restaurant hors de prix le plus souvent possible et que nous engraissions le reste du temps à les regarder cuisiner. Parce qu'il est là le problème. Comme il y a trop d'émissions de cuisine, nos sociétés ont de moins en moins de temps de cuisiner. Alors nous mangeons des plats micalinas devant nos téléviseurs et nous regardons d'autres personnes cuisiner de la bonne bouffe alors que nous nous contentons du moins. Exactement comme la porno, nous regardons d'autres personne le faire. Souvent avec des tatous eux aussi. Et nous nous contentons du moins. Les plats Michelinas sont finalement que de la branlette culinaire. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une émission de cuisine à la télé, laissez faire le petit verre de vin et le calepin pour prendre des notes. Amenez-vous plutôt une boîte de Kleenex à la place. Hey, c'était très drôle, hein? Ça arrive! Depuis qu'on s'aime, c'est vraiment plus le fun, cette émission-là. Moi, l'amour, ça me transporte. Ça fait juste deux semaines, mais c'est déjà tout le bonheur qu'on a besoin. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? C'est un génie, cet homme-là. Vraiment, là. Il était cœur, hein? Seigneur. Ouais, je sais. C'est dur, le suivre, hein? C'est lui qui devrait l'animer chaud, là. Oh, ça, c'est non, une des belles claques que j'ai eues. Hey. Il prendra le spot de l'été. Je pense qu'il ne reviendra pas le show qu'il y avait là. Ah, mais vous savez, je suis toujours avec Mme Harel à l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc, je comprends que vous êtes toujours active sur la scène politique, Mme Harel. Vous avez formé une coalition pour évincer la menace Coderre à l'Hôtel de Ville. Alors, les sondages ne sont pas terribles, Mme Harel. 17 % des intentions de vote pour la coalition. Vous vous retrouvez en troisième position, devancée largement par Denis Coderre et ensuite par Richard Bergeron. Ça fait que dans le fond, finalement, vous aviez autant besoin de Marcel Côté qu'un coup de barre de fer en arrière de la tête, Mme Harel. Jean-Sébastien, si je croyais au sondage, je serais déjà mairesse de Montréal. En 2009, trois sondages successifs qui me donnaient 40 %. Avez-vous idée là, que les sondages, là, je les garde loin? Là, donc, ce que vous me dites, selon cette logique-là, c'est que vous avez peut-être moins de 17 % d'intention de vote. Non, je pense que le vrai sondage, c'est de 3. C'est le 3 novembre. Et vous allez être surpris, Jean-Sébastien. Ah oui? Oui. Ben, on ne demande pas mieux, mais est-ce qu'il n'y a pas entre vous, là, on est vendredi soir, on jase, Mme Harel, est-ce qu'il n'y a pas trop tard pour le laisser tomber, Marcel Côté? Il pourrait se faire ranger avec ses troubles de son côté, puis vous, vous pourriez repartir avec vos candidats. Même Denis, il trouve qu'il vous roule dans la boue, ce bon monsieur-là. Moi, je suis fidèle. Oui, la preuve, chaque fois que vous me proposez une émission, j'accepte. Non, Mme Harel, on l'aime donc. On l'aime, Mme Harel. On vous retrouve dans quelques instants à la suite de venir voir les politiciens municipaux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le savez, dans le cadre de ces grands entretiens-là, on donne la possibilité aux citoyens de poser des questions à nos invités. Alors, à la maison, nous vous attendons vos courriels, chers auditeurs, à lasoirée@radio-canada.ca. On vous revient dans quelques minutes. On vous croit plus. OK, bye. Notre deuxième invité, Fred. Chef vedette à Sherbrooke, on l'entend beaucoup à la radio et à la télé. C'est à se demander qui cuisine dans son auguste restaurant. Accueillons quand même Monsieur Danny Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre, soyez-vous. Éminence grise, bonjour. Bien grise. Ouais. Je sens que ça vous démangeait de répondre, hein? Ah, ben, je me suis touché pas mal derrière pendant que vous parliez de pornographie. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà cuisiné du prépuce, vous, M. Savard? Oui. Je le prends chez Kim Fat, les soupes asiatiques. Ah, Kim Fat, oui. C'est long et caoutchouteux. C'est un cerceau de douleur. On va se le dire tout de suite et on va avertir nos auditeurs. Ah, ben, on se connaît bien, Daniel. On est des amis, donc ça a été difficile de se booker quand même. Oui. Parce qu'il est tout le temps son restaurant chez Auguste à Sherbrooke. Ben oui. On fera pas de publicité. Hein? Non, non. On devrait pas. Non. OK, non, mais. Mais sans blague, vous venez ici surtout parce que vous avez un nouveau projet fantastique. Là, attention, là, vous êtes associé à une émission de télé de cuisine. Oui. Hein? Ah, mais c'est pas obligé. Ça, c'est audacieux. C'est audacieux. Hein? Ça, c'est très sale, audacieux. Ça. C'est très audacieux de la part de Radio-Canada. Ça, ouais. C'est pas ça, banal, ouais, t-shirt, ça. T-shirt d'organe génitaux, oui, oui. Là. Ben oui, c'est... choisir, honnêtement. Ben moi, je choisirais le T-shirt. Non, mais Fred l'a évoqué, puis on va se la poser comme question. Il n'y en a pas trop des émissions de cuisine, Dani? Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'émissions de cuisine qui sont là pour, effectivement... Se branler devant l'écran puis manger des chips au ketchup en faisant pas les recettes. Ouais, effectivement, oui, on s'entend là-dessus. Il y a des moments contemplatifs de cuisine. Les livres aussi, c'est souvent des livres qui ne servent pas à faire des recettes. Ça s'adresse à une cuisine qui est loisir, qui est vraiment très puis qui nous a fait cheminer, somme toute, depuis les 30 dernières années. On parlait de Paul Martin tout à l'heure. Quelle maman n'a pas fait les recettes de Paul Martin? Moi, j'entends ces livres pour vrai. Hein. Ça doit être super bon chez vous. Ouais. Non, mais il fait bien manger. J'ai pas seulement ceux-là. Oui, tout à fait. Faites bien manger. Oui. Pardon? Est-ce que les photos sont en couleur? Le gros livre, oui. Ouais, mais les coupes de cheveux sont bizarres, par exemple. Mais. On va se le dire. Il n'y a jamais mention d'huile d'olive, c'est toujours d'huile de végétal. L'huile d'olive, là, c'était comme too much. C'est un végétal très coûteux. Donc, l'émission que nous on propose, sans nécessairement vouloir vous vendre un char usagé, c'est une émission qui s'adresse aux gens, comme vous et moi, qui avons des vies occupées, parce qu'effectivement, moi. Ben, on est jet set, là. C'est ça. Moi, je suis auto set, là. Je fais des raids de 10 back and forth, comme on dit. Mais des gens qui sont occupés, des gens qui planifient plus. Pour aller faire leur épicerie. Non. Des gens qui ont envie de bien manger, mais sans nécessairement avoir eu la passation maternelle des 10 recettes puis de l'organisation. Tout le monde travaille, tout le monde court après leur queue. Ouais. Donc, ce qu'on a décidé d'enclencher comme processus, avec moi comme porte-parole, de cette cuisine-là, c'est un livre de cuisine qui redonne un système pour justement sauver du temps puis avoir du plaisir puis d'acquérir des techniques. Puis l'émission Qu'est-ce qu'on mange pour souper à 17h à tous les soirs ici dans la grande. Mais juste pour qu'on soit certain, on n'était pas sûr. Oui. Ben, ça sert justement à s'organiser en 30 minutes, étape par étape, pour cuisiner avec la liste d'ingrédients en amont pour qu'ensemble, on puisse le faire. Donc, 30 minutes pour faire la recette. Tout à fait. C'est supposé fonctionner. Donc, peu de braisé. Il n'y a aucun braisé. Ouais. Ben, justement, c'est un peu chiant. Parce que ça nous coupe. Ouais, ça nous coupe, effectivement. Ouais. Ces coupes-là, qu'on sert à faire braiser, sont peu coûteuses, sont amusantes, ouais. Donnent une sauce. Donc, il faut user encore plus de créativité pour être capable d'avoir du fun avec un 30 minutes où on fait sauter des trucs. Vous ferez une émission l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on mange pour souper demain? Oui, c'est ça. Hein? Ça ouais. Permettra cuisine de faire l'attente. Ouais, c'est ça, exactement. N'empêche que cette technique-là, il y a des scientifiques qui l'ont testée. Laquelle? Richard Thérien. Ah oui, oui, qui, c'est dans son texte, est journaliste du Soleil. Il a essayé. Journaliste, on va mettre des guillemets. Là, là c'est un scientifique. C'est un scientifique qui fait des recherches. Et là, j'aimerais le citer. Richard, après avoir essayé les recettes. Donc, est-ce donc réaliste de réussir les recettes du chef Danny Saint-Pierre en 30 minutes en rentrant du travail sans en sortir crevé? Ma réponse est non. Comptez au moins une demi-heure avant le début de l'émission pour calculer toutes vos quantités pour cuire certains ingrédients. Il est journaliste, lui, il est pas économiste. Attendez un petit peu. Plus d'un soir, j'ai dû poursuivre le souper au-delà de la demi-heure prévue. Plus la semaine avançait, plus je me sentais bousculé, paniqué, complètement vidé. Pauvre ami, Richard, je suis vraiment désolé. Hein? On ne voulait pas t'intimider à cuisiner. Ben non, c'est ça. Richard, je tiens à te dire qu'on n'a pas fait exprès. Non, mais c'est ça. On aimerait t'accompagner justement sur notre fil Twitter avec notre brigade de cuisine qui est là de 5h à 7h. On s'est occupé de Richard. Monsieur Saint-Pierre, j'ai une question à vous poser. Allez-y, avancez. Est-ce que vous sous-estimez pas, vous, les chefs, là, hein, la capacité des gens normaux et des gens comme Richard à réussir une recette. Hein? Des gens comme Richard sont très spéciaux. Oui, mais des gens comme normaux. Comme nous tous, d'ailleurs. Ouais, ouais. Hein? Nous sommes tous spéciaux dans la mesure où on a 30 minutes pour cuisiner, puis on va le faire ensemble. C'est justement pour ça qu'on a une personne du public avec nous. Okay. Donc, je sais pas si vous avez vu l'émission, mais vous y êtes invité, d'ailleurs. Sur la station de travail, on a mon poste. Et on a le poste d'une personne du public qui est avec nous du lundi au jeudi. Vous parliez d'une industrie, ce que je lisais avec Qu'est-ce que vous faites avec votre vedette? Ah non, c'est Sébastien Benoît, excusez-moi, je me suis trompé. Non, sans niaiser. Ah, mais il y a une pub. Mais vous êtes très beau dans la pub de poudre à cheveux qu'on voit ici, là. Non, mais je suis dedans, en plus, pour vrai. Mais sans niaiser. Non, mais vous êtes pas mal cute. Oui, non, je sais, on en parle plus tard. Dans votre industrie culinaire, vous venez de sortir un livre, on vient de le dire. Un livre qui se concentre aussi sur une organisation de cuisine. Oui. Mais un livre surtout pour, en fait, pour proposer aux gens une cuisine simple. Hein. C'est un peu la même idée. Mais la question est bonne parce que un horaire qui est chargé, un horaire de ministre, par exemple. Hein? Ça, c'est, la question est intéressante parce que M. Duchesne, à mon avis, a pris un peu de poids depuis la dernière fois que je l'ai vu. Ah, mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est difficile à être ministre et bien manger? Oui, vous êtes tout le temps au restaurant, vous, non? Ben oui, oui, oui. Puis on ne choisit pas toujours les restaurants. Puis alors, les 30 minutes, oui, des fois, c'est 20 minutes. Eh, mais moi, j'ai une question à poser. Ah, mais allez-y, monsieur. Allez-y. On parlait des belles-mères de Mme Marois. Ben, de vous aussi, hein? Vous êtes ancien chef et vous tout êtes ça. Aussi. Dans votre cuisine, il y a juste un chef. Comment vous faites? Il faut le dire à Mme Marois. Ah ouais. Comment on fait? Ben c'est la menace. Question, ça. Hein? La menace, c'est la discipline. Est-ce que ça arrive des fois que Normand Laprise vienne parler des recettes que vous faites chez Non, Auguste, pas vraiment. Ou... Moi, c'est Science Radio rendu là. Vous savez, d'être en... d'après ce que je comprends. Ah, monsieur Thérien, ben, il était très divertissant. On le remercie d'ailleurs de nous avoir donné une tribune si instructive. Bon, on vient de lui en donner une pas mal. Là, donc, on attend les chèques, ou ne serait-ce que les dividendes. Moi, je pense que d'être en affaires au Québec, c'est déjà une action très concrète pour créer de l'emploi, créer un milieu de vie qui est intéressant. La restauration, tant dans le tourisme que dans la position identitaire qu'une région peut prendre. On déconne avec Sherbrooke. Oui, j'habite Sherbrooke. Ma ville principale, c'est Sherbrooke. Dans mes cantons de l'Est, il y a des choses qui se passent. Il y a des producteurs locaux qui sont là. Il y a des gens qui fabriquent des produits qui sont très différents de ceux de votre Saguenay natal et de la Beauce et ainsi de suite. La Gaspésie est un autre bel exemple. Les îles de la Madeleine. Le petit Québec, tout est dans l'emballage, hein, vous savez. C'est un peu comme un prépuce sur une substance laitière, ça. Ceci dit, moi, je pense que la restauration, c'est une belle vitrine pour justement attirer de la clientèle à travailler sur d'autres choses, comme des milieux qui sont culturels. Quand on parle du centre-ville de Sherbrooke, qui est mon milieu de vie à moi, on a un théâtre qui est en face de chez nous, où il y a des super bons shows qui sont là. On a du magasinage de spécialité où c'est vraiment chouette d'avoir, justement, où tu peux manger, travailler, habiter dans une zone qui est moins urbaine que Montréal et Québec, puis d'avoir du fun. Merci encore une fois d'être venu. On va passer immédiatement à la chronique. Je vous laisse la présenter. Ben oui. Je voudrais pas vous voler de punch. Allez-y. Heureusement que ces écoutes de la radio Jambon ne sont pas des contre-interrogatoires, sinon on l'aurait glissé lui aussi dans les escaliers ce matin. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Il est si bon, hein? Ah. Il est si bon. Mais justement, avant qu'il ne glisse sur une pleure de banane, le témoin Ken Pereira avait offert tout un spectacle à la commission Charbonneau. Une preuve de courage, selon Richard Martineau, parce que la FTQ, là, sont plutôt épeurants. Tu sais qu'en anglais, aux États-Unis, la mafia, ça se dit « the syndicate ». Oui. C'est un peu la même chose, mais dans le milieu de la construction. Et moi, ce que je comprends pas, tu sais, souvent, on se parle, mettons, dans des islamistes radicaux, puis on dit « comment ça se fait que les musulmans modérés, ils les dénoncent pas plus que ça, ces gens-là? » Mais c'est la même chose dans le milieu syndical. Et non, voilà. Mais tout un exploit que de comparer les syndicats à la mafia et aux islamistes radicaux en moins de 30 secondes, et ce, sans s'appeler Éric Duhaime. Bravo. De son côté, Jeff Filion se désolait de voir le gouvernement marois mettre fin au projet Rabaska et en profiter pour envoyer une petite pointe amicale au député Daniel Breton. Très drôle de voir la gauche avec trois mentons. Si c'est la surconsommation, il semble que quand t'es gauche, si tu demandes à tout le monde de faire attention sur tout, tu devrais être mec comme un chicot. La simplicité volontaire. La simplicité volontaire. Prends de l'eau aussi, mange des légumes. Voilà. Ça suffit, la gauche caviar. C'est d'une gauche soupe aux légumes dont on a besoin pour débattre avec la droite jambonne. Coupez d'avance. Oui, c'est ça. Restons dans la gastronomie avec le dossier exclusif, même si on a fait la même chose à l'émission L'épicerie il y a 2 ans, du Journal de Montréal qui a testé l'ADN de poissons commandés au restaurant pour se rendre compte qu'on nous refilait souvent de la chenoute. Eh bien, Sylvain Bouchard de Cogeco a poussé l'analyse encore plus loin. À Laval, selon le test, parce que le Journal de Montréal était là-dedans, là, c'était l'exception d'avoir le poisson exact qu'il commandait. Comme par hasard, la ville la plus corrompue dans le Québec, c'est laquelle? Pas mal Laval. Ouais. Deuxième place pire, c'est Montréal. C'est où, là, Montréal, à part Laval, personne ne les bat. Eh oui, donc, à Laval, toujours se munir d'un appareil pour tester l'ADN ou d'une enregistreuse, ça dépend du type de poisson que vous voulez pogner. Quant à lui, Claude Poirier a aussi mené une grande enquête cette semaine, ne reculant devant rien pour fouiller dans les recoins les plus malfamés de Montréal. Je veux juste m'adresser à M. Richard Bergeron. Vous avez vraiment participé à une émission 98,5. Vous avez laissé votre talon de paye. Attends. Que j'ai devant moi. Es-tu sérieux? Oui. Impôt provincial, 488. Bon. Cumulatif, 3418. Bon, va falloir vérifier votre cumulatif, monsieur Bergeron. Parce que vous allez voir que le fisc, là, c'est pas mal pire que des robocalls. D'autre part, José Morissette de Radio X s'est indigné vendredi dernier de la chronique de Michel Baudry où il disait, et je paraphrase, qu'il aurait aimé pognasser les femmes débarquées à l'Assemblée nationale. Ouais. Quel vulgaire! Quel colon, quel niaiseux, il est cochon, il est colon, un vieux père, un vieux mononcle, là. Cochon, là, même pas drôle. Là. On dirait là, un animateur de radio des années 90. À ne pas confondre avec un animateur de radio des années 2013, comme le conjoint de Mme Morissette, Jérôme Landry, qui lui aussi a une petite tendance à la colonnerie envers les femmes. Attends un peu, je regarde le journal. Allez en page 8 du Journal de Québec et en page 10. Dites-moi que vous êtes excité, là, puis on va s'en reparler, OK? Ben, tous les goûts sont dans la note. Et que pense Dominique Moret, collègue de Mme Morissette des femmes? S'ils veulent jouer dans les grandes lignes, ils peuvent nous envoyer les belles aussi. Là. On n'a pas obligé d'être poigné avec des filles de la Ligue américaine. Ce serait beaucoup mieux, en effet, si les femmes étaient les filles du calendrier Dream Team que Radio X commandite et qui excite les mononcles cochons comme Michel Baudry depuis plusieurs années. Ouais. D'ailleurs, parlant de Ligue américaine, Jacques Demers était sur plusieurs tribunes cette semaine où il a entre autres parlé des jeunes de Canadiens comme Lars Eller, Alex Galchenyuk et Jared Tinordi. C'est juste qu'il n'a pas mis les lettres aux bonnes places dans leur nom. Il n'y a pas juste Lars Eller, Galchenyuk, puis Gallagher. J'ai vu Tornardi l'autre soir, là. Tu vois, c'est une pièce d'homme. C'est pas si pire, là. Il y en a quand même eu 1 sur 4. 25 % c'est presque aussi élevé que son taux de présence au Sénat. Terminons sur une note triste avec la mort de Paul Desmarais. Oui. Vous avez peut-être lu ça dans la presse. Eh bien, contrairement à ce qu'on croyait, Desmarais a très peu d'influence au Québec. La preuve, il était pour l'exploitation des gaz de schiste, mais on ne les exploite même pas. Alors, on va mettre dans la balance Desmarais, que tout le monde le dit hyper influent, puis il est pour ça, et le directeur de clown, Dominique Champagne, qui a gagné au Québec, qui est le plus influent? C'est le directeur de clown, parce qu'aujourd'hui, au Québec, le moindre petit artiste a plus de pouvoir et d'influence que Desmarais. Je me sens soudainement très influent. Je m'en vais dès là écrire un pamphlet contre les poissons corrompus de Laval. Merci, Olivier. Merci. On va aller se gâter un peu, hein, et on va aller écouter un peu de Radiovision, ouais. Le 1430 AM. Mon Dieu, hein? On va mettre 50 minutes de ça la semaine prochaine. Un point long. Jean-Étienne, on t'écoute. « Radiovision, la voix des oreilles de Montréal, le 14:30 AM. Jean-Étienne Nadeau, microphone, encore bouleversé par le naufrage d'un bateau de migrants près des côtes italiennes qui a fait des centaines de morts, des noirs et tout ça dans l'indifférence la plus caucasienne. Une tragédie qui m'a bouleversé et qui m'a rappelé douloureusement mon arrivée au Canada en 1973 avec Gladys à la console et beaucoup d'entre vous qui nous écoutez. Parti de Petit Goyave aux petites heures du matin, je n'avais pris que l'essentiel avec moi, Joséphine, une poule bien pondeuse et cri-cri, mon cabri bien-aimé. À bord, sur des écrans de fortune faits de vieux rideaux, on nous passait en boucle mon oncle Antoine sous des bobines pour nous habituer à la neige. Nous nous enduisions aussi de sirop d'érable pour prévenir les brûlures du soleil et l'eau de mer. Pendant la traversée, on se racontait l'histoire mythique de ceux qui étaient déjà arrivés et qui avaient réussi comme Oliver Jones, Boule Noire et même Pierre Perpal. Certains rêvaient d'ouvrir un restaurant de poulet boucanier, d'autres de se lancer dans la musique pour faire du zouk love comme Grégory Charles. Personne n'avait encore goûté à la morsure de l'hiver, mais surtout au racisme intégral sous-jacent de notre société d'accueil que j'ose appeler aujourd'hui la maison, le Québec. Alors, toutes mes pensées à ces pauvres victimes, allez, si toi viré à ces patois, l'aller c'est pour toi, mais pas le retour. Moi, je suis arrivé au Québec, eux, je l'espère, au paradis. On l'aime. On va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Question de terminer cette émission-là. Jean-Sébastien? Ah, bon, bonjour, Philippe. Dernier segment déjà de Viens voir les politiciens municipaux. Je suis toujours avec Mme Harel. Énormément de courriels qu'on a reçus. J'en ai choisi trois, les trois meilleurs. Je vous lis le premier. Alors, oui. Tout d'abord, un courriel qui nous vient de P. Duchesne de Québec. Oui. Et ça nous dit « Bonjour, ma belle. Est-ce que tu voudrais revenir au PQ? Évidemment, Pauline, c'est pas les gros chars, mais c'est toujours bien mieux que Marcel Côté. » C'est Pierre Duchesne, le ministre qui a écrit ça. Là, il va avoir du trouble quand il va retourner à Québec. Il n'y a pas besoin de ça pour avoir du trouble. Deuxième courriel. « Maintenant que vous êtes à la merci de Marcel Côté, vous devez avoir beaucoup de temps libre, alors je vous propose de classer vos épices par ordre alphabétique. Et c'est signé D. Saint-Pierre de Sherbrooke. Sherbrooke. C'est pas mon cadeau de Noël ou il faut que je paie quelque chose? C'est totalement gratuit pour vous, Mme Harel. Et en terminant, dernier courriel, je pense que vous êtes la meilleure de tous les candidats, mais je pense que ce qui vous a perdu, c'est votre incapacité à dire Montréal comme du monde. Et c'est signé le professeur de diction de Denis Saint-Pierre. C'est innocent. Montréal. Léon, oh my God. C'est pas bien beau. C'est un moment historique. Madame Harel, j'ai juste une chose à vous dire. Faites-vous élire pour pas qu'on vous perde pendant 4 ans. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Madame Harel. Merci, Jean-Sébastien. À la semaine prochaine. Fred, notre dernier chroniqueur. Les rumeurs autour de PKP se font de plus en plus persistantes à Québec et notre correspondant parlementaire s'y est penché. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani! Oh mon Dieu! Hey! Avant tout, oui? Moi aussi je vous aime. Oui. Ah oui? Oui. Ah, pas tant que ça, nous, bon, par exemple. Okay. Hey, non, mais toute une semaine de rumeurs à Québec. Oui, oui, oui. Ben, vous avez vu, hein, Jacques Duchesneau qui reviendrait peut-être pas aux élections pour la CAQ. Ah, hein. Ça a l'air qu'il lorgne un poste à New York, selon ce que j'entends. Ça vient-il avec une permanence? Ben, une permanente, sûrement. Bon, mais je voulais surtout parler de la rumeur qui concerne l'arrivée de Pierre Carl en politique, oui, quand même. PKP comme PM au PQ. Hein? Ben, il a nié, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'être au gouvernement quand même pour être au Conseil des ministres. Non. Mais l'avantage, c'est que plutôt que d'avoir à se taper un show de Céline pour aller voir des hommes d'affaires, le PQ les fait venir directement au Conseil. Ah, c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais les rumeurs sont persistantes. Depuis que Julie Snyder a fait rire d'elle en commission parlementaire par Philippe Couillard, elle rêve vraiment de lui faire manger une volée. Ah ouais, Et je trouve ça bien parce que, bon, la moitié du Conseil des ministres, quand même, c'est des journalistes de Radio-Canada, des anciens. Ouais. Alors, ce serait peut-être leur première, leur seul moment de travailler pour l'Empire. Ouais. Pierre Duchesne, d'ailleurs, a eu des très bonnes relations avec Pierre Carl lors du lockout. Lors d'un certain lockout au Journal de Montréal, il me semble, hein, quand vous étiez à la tête de la Tribune de la Presse. Oui, oui, j'ai été président de la Tribune de la Presse. Oui. C'est le fun, hein? Bon, mais là, je vais arrêter le malaise tout de suite. Mais qu'est-ce que ça changerait si le Québec était dirigé par Pierre Carl, honnêtement? Ben justement, j'ai fait un Normand Lester de moi. Je suis tombé dans les poubelles de l'Assemblée nationale sur le rapport du comité exploratoire de la candidature de PKP. Ah oui? Et ça aurait plusieurs effets dans votre quotidien. Ici, l'expression « faire de la politique autrement » prendrait tout son sens. D'abord, les choses iraient très rondement depuis après qu'il a aboli les syndicats, d'une part. Ouais. Mais dans un Québec sous PKP, Sébastien Benoît agirait comme président de l'Assemblée nationale. Ben, ce serait une période de questions animées, c'est le cas de le dire. Le discours inaugural aurait lieu au Nouveau Colisée avec des billets à 5$, des hot-dogs à 10$. Et chaque début de session commencerait avec une nouvelle chanson de Stéphane Venn que tous les députés pourraient chanter en chorégraphie. Julie Snyder, elle, ne se contentera pas d'être une michou et d'aller photographier le tiers-monde. Non, non, non, non. Le choix des ministres, lui, se ferait sous la forme de l'émission La Voix, hein? Ouais. Voir si on peut les faire chanter comme faux. Ouais. Et les enveloppes budgétaires de chaque ministère aussi seraient attribuées en jouant aux banquiers. On verrait qui aurait la meilleure offre. La Gazette officielle aussi serait dorénavant intégrée dans le séjour directement. Les titres des communiqués de presse seraient en bold rouge avec des grosses images. Ouais. Et le documentaire, la première sur Pauline Marois, remplacerait Boutique TVA tous les après-midi. On m'apprend aussi que les anciens d'Occupation Double auraient des postes d'attachés de presse. Ils sont bien, bien bons dans le marmonnage. C'est juste qu'il faut mettre les sous-titres en dessous. Ah ouais, ben c'est pas grave. C'est une bonne chose aussi parce que le Conseil des ministres, par souci de transparence, sera télédiffusé et se tiendra dans un jacuzzi immense. Ça va être super. On me dit aussi que Anne-Marie Pelladeau serait pressentie comme ministre de la Sécurité publique, Sophie Durocher comme ministre de la Culture et Richard Martineau serait pressenti pour rester Richard Martineau. Mais... Et un sommet, évidemment, PKP un peu, c'est le rêve de tous. Mais la question, si PKP devient PM au PQ, qui va ramener Ménordique alors? Régis est en train de se mordre les doigts. Ah, merci beaucoup, Jean-Philippe. Oh! Ah, c'est déjà tout hein, pour une émission vraiment drôle. Ah, hein? Oui, vraiment oui. Très drôle. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René où il y aura plein de sujets très, très intéressants. Ah, oui, c'est drôle. Oui, surtout. Ouais. Merci à toute l'équipe. Marie-Hélène Racicot, Jean-Loup Gagnon, Steve Côté, Phil Roberge et le grand Alex Courteau, alias Jean-Étienne Eudes. Et oui, on peut applaudir, hein, oui, franchement, Alex, il mérite. Tu vas être content. Ouais. Et un gros merci à nos invités ce soir. Pierre Duchesne, on se revoit pendant la campagne et après la campagne. Oui, hein, donc avant Noël. Dany Saint-Pierre, tous les soirs à Radio-Canada et sur l'iPad aussi, hein, à 17h. Tout à fait, on avec peut le coach. Tout réécouter. Merci encore une fois d'être venu réécouter notre balado. Et la semaine prochaine, c'est notre spécial débat, hein, des exclus. On a Patricia Tulane. Oui. On a également Irwal. Non, c'est qui donc? On a Michel Brûlé. Et le candidat confirmé, oh, il se bouscule. Ça... On passe des entrevues. Écoute, ils sont 50. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Ouais! Ouais!